Ces idéaux pervers. Comme la vie est douce, Elle était. Tu es là assise à mes côtés. Mes yeux pénètrent les tiens pour t'aimer. L'amour et le temps peuvent tout t'effacer. Musique, musique, berce mon esprit meurtri. Musique, musique, emplonge-moi dans la nuit. Musique, musique, berce mon esprit meurtri.